Attention, message personnel. Panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ha ha, nous revoilà. C'est donc la panique au Mangin Palace, épisode 8. Si tu l'ignores encore, sache que nous t'embarquons maintenant dans un voyage étrange au cœur d'un monde intergalactique et foutraque. Bienvenue à bord de ce vaisseau spatio-temporel. La machine est prête et le cadran interstellaire nous indique dimanche 30 octobre 2005, 11h05. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es château hanté, tu es chrysanthème, tu es guéridon qui tourne, tu es mort-vivant et tu es aussi à tombeau ouvert. Oui, tu l'auras compris, l'ami. Ce matin, nous traquons les fantômes. Mercredi prochain, après avoir célébré la Toussaint, tu fêteras les morts. Cela dit, aujourd'hui, la mort est aseptisée. On ne meurt plus chez soi et surtout, on n'expose plus les cadavres, sauf à la télévision. La mort se planque au bout de la vie et on feint de l'ignorer. Mais alors c'est quoi la fête des morts à l'heure où la mort est invisible? Eh bien, des cimetières lugubres aux brumes d'Écosse, de Fantomas à Claude Chabrol, du Point Sonneur des Lilas au Fossoyeur du Père Lachaise, du Masque de Belphégor à François Mitterrand, nous allons, dans l'heure qui vient, te raconter une histoire illustrée, mais décalée, celle des êtres de l'au-delà, celle des fantômes. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et trémousse-toi. thriller, tube terrifiant, en 1982, où le fantomatique Michael Jackson s'amuse de nos terreurs et danse avec des morts vivants dans un vidéoclip venu de l'au-delà. Aujourd'hui, nous sommes le 30 octobre. Dans deux jours, le 1er novembre, c'est la Toussaint, suivi le 2 novembre donc de la fête des morts. Deux dates importantes dans le calendrier chrétien, deux fêtes majeures. La fête de la Toussaint et la fête des défunts sont un moment particulier où une large partie du corps social, dans la tradition chrétienne, se veut au plus près des morts. Alors, pour commencer notre émission sur ces êtres mystérieux et pourtant si présents que sont les fantômes, il est nécessaire de revenir un instant sur ce temps à la fois festif et sinistre qu'est la Toussaint. D'où vient donc cette tradition de fêter les morts? Les Celtes divisaient l'année en deux saisons. La rupture avait lieu le 1er novembre quand l'été est définitivement terminé et que l'hiver montre ses crocs. Chez les Celtes, la fête de Samhain, qui marque la fin de l'été, vers le 1er novembre donc, est également le début de l'année. La fin d'une époque et le début d'une autre, tout comme la mort. Un moment privilégié pour que les fantômes se mêlent aux vivants. L'Église a rapidement récupéré l'affaire. Voyant que cette fête païenne perdurait, le pape Grégoire III, au 8e siècle, décréta le 1er novembre fête de tous les saints. C'est d'autant plus pratique que cela comblait une lacune. Et oui, déjà à l'époque, l'habitude d'honorer un saint par jour était instaurée. Mais le souci, quand tu veux être un pape nickel et que tu ne veux oublier personne, c'est qu'il y a peut-être des saints qu'on ne connaît pas et donc qu'on ne fête pas. Du genre, le mec qui s'est fait martyriser dans un coin sans témoin. Alors à côté des saints reconnus, une journée pour tous les saints, la Toussaint, c'est bien pratique, ni vu ni connu, je t'embrouille, on est sûr de n'oublier personne. Mais bon, ça ne suffit pas. Et au Xe siècle, l'abbé Odilon de Cluny, patron de la multinationale monacale de l'époque, sort de sa calotte une idée de génie et pourquoi pas une fête pour tous les morts, histoire ce coup-ci de n'oublier vraiment personne. Et alors voilà, le 1er novembre, la Toussaint, et le 2, la fête des morts. Alors aujourd'hui, c'est quoi la Toussaint? Eh bien, c'est surtout un jour férié qui s'appuie sur une fête chrétienne, même si elle a perdu, pour beaucoup, sa substance religieuse. La Toussaint, pour la plupart des Français, c'est un jour de repos mérité à l'heure où la réduction du temps de travail est remise en cause et où l'on nous sucre le lundi de Pentecôte. Le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil. Pour beaucoup de monde, la Toussaint, c'est encore le week-end où l'on retrouve ses racines et où l'on retourne dans sa région d'origine nettoyer et fleurir la tombe de nos disparus. Une habitude ancienne qui continue. Rien n'a changé et la Toussaint reste un moment privilégié dans notre relation à la mort et à l'au-delà, un moment qui dépasse le cadre religieux. Regarde par exemple la fête d'Halloween. Ancien vestige celte, la fête est aujourd'hui exportée dans le monde entier. Le païen reprend le dessus. Enfin, le païen, il serait plus exact de le dire, le business prend le dessus. Cette semaine, nous allons donc fêter les morts et non la mort. La mort est sans conteste synonyme de tristesse et la simple évocation de nos chers disparus nous arrache facilement les larmes. C'est aujourd'hui dimanche, tiens ma jolie maman, voici des roses blanches, toi qui les aimes tant, et quand tu t'en iras au grand jardin là-bas, toutes ces roses blanches, tu les emporteras. La Toussaint et la fête des morts sont donc des moments particuliers de proximité avec la mort, donc avec l'au-delà. Au XXe siècle, le rapport à la mort a changé. Longtemps, la mort fut une compagne très proche. On mourait chez soi, le corps était exposé et c'était open bar à la veillée funèbre. Ainsi, dans les villages, tout le monde se réunissait pour la mise en bière. Make the world Aujourd'hui, le rapport à la mort s'est profondément modifié. La mort est devenue tabou, elle est cachée. Près de 80% des décès ont lieu à l'hôpital et très rares sont maintenant ceux qui font le choix de mourir chez eux. La mort est donc aujourd'hui tabou et pourtant, elle est sans aucun doute notre unique certitude. Nous savons tous qu'il faudra partir un jour sans retour, effacer notre amour sans se retourner, ne pas regretter. Gardez les instants qu'on a volés. Partir un jour sans bagage, oublier ton image sans se retourner, ne pas regretter. Penser à demain recommencer. Enfin, la mort, seule certitude de notre vie, pas si sûr. La mort est simplement la fin de la vie. Mourir, c'est tout juste cesser de respirer. Sans la mort, on ne meurt plus. Explication. Bien qu'il n'y ait plus de saison et que le prix du poireau ne cesse d'augmenter, de nombreuses personnes renâclent à l'idée de mourir un jour. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. À partir d'aujourd'hui, plus personne ne mourra jamais. En effet, je viens de faire une découverte extraordinaire. La mort est contagieuse. J'ai isolé le virus de la mort. Je vais le détruire maintenant devant vous. Et la mort sera vaincue. Regardez bien. Étonnant, non ? Étonnant, non. Pierre Desproges, qui nous a quittés en 1988, savait, lui, ce qui nous arriverait après la mort. Desproges avait déclaré « Au paradis, on est assis à la droite de Dieu. C'est normal, c'est la place du mort. » Mais bon, il ne faut pas croire que tout le monde, après la mort, va au paradis, ni même en enfer ou au purgatoire. Non, certains esprits resteraient parmi nous, sur terre. Certains hantent les vivants, ils errent dans les limbes et n'ont plus peur de la route et vont là où le vent les portera. Je n'ai pas peur de la route, faudra voir, faut qu'on écoute des méandres creux des reins et tout ira bien là. Le vent nous portera. Ton message à la grande eau, c'est la trajectoire de la course à l'instantané. Le vélo, même s'il ne sert à rien. Le vent l'emportera. La caresse et la mitraille, cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours, d'hier et demain. Le vent les portera. Génétique en bandoulière. Disparaître en main. l'emportera et tout disparaîtra. C'est ce que chante Bertrand Cantat et son Noir Désir en 2002 sur un album intitulé Des visages, des figures, parce qu'une fois que la mort s'est pointée, il arrive parfois que tu vois des spectres. Alors justement, pour continuer notre exploration de l'au-delà, après t'avoir raconté l'histoire de la Toussaint et de la fête des morts, il est temps maintenant d'évoquer certaines manifestations post-mortem. Oui, certains pensent en effet que la mort n'est qu'un passage vers un monde parallèle et que nous serions alors entourés de fantômes et d'esprits qui rôdent la nuit le long des couloirs en quête du repos éternel. Souvent, je me promène vers minuit. Je traverse les murs sans problème et le long des couloirs, je balance mes chaînes avec bruit. Mais bon, en général, le fantôme erre entre le paradis et l'enfer et il s'ennuie sévère. Il bagnaude, traîne ses chaînes et cet horizon sans fin le laisse souvent perplexe. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie? Comme il s'ennuie, le fantôme ne trouve rien de mieux que de rendre visite aux vivants, histoire d'eux, on ne sait jamais. Du coup, il arrive que certains, comme Madame Delbecq, soient emmerdés le soir par ces foutus fantômes. Écoute bien ce reportage tout à fait authentique, diffusé sur Paris Inter en février 1957. Je me trouve actuellement dans une petite maison de la Cité de la Renaissance à Loos, dans la banlieue de Lille. Je me trouve chez Madame Delbecq, et Madame Delbecq, en ce moment, est en butte aux attaques, non pas de méchantes personnes, mais en butte aux attaques des esprits. C'est en effet depuis quelques 10 jours que Madame Delbecq reçoit régulièrement la visite de choses. À vrai dire, ce sont des choses. Elle ne peut pas les nommer, elle ne sait pas qui c'est, il n'y a pas de visage, il n'y a rien. Il y a simplement des coussins qui volent dans la pièce, des matelas qui sont renversés, des couvertures qui se roulent d'elles-mêmes, une assiette qui se promène et qui va d'une chaise sur un lit, d'un lit sur une chaise. Madame, dites-moi, comment ça a commencé? Ça a commencé un soir, il est environ 10h, 10h30, j'étais couchée. Et le lit a commencé à bouger, à gratter, et le sommier a dansé. Ça s'est produit comme ça. C'était le premier soir. Le premier soir. Ça a duré comme ça jusqu'à 1h du matin. Bon, et ça fait combien de jours que ça dure? 2 semaines demain. Bon, alors c'était la première manifestation. Alors depuis, vous avez trouvé vos coussins, vos couvertures, oui, vos matelas, oui, se balader dans la pièce, après, à droite et à gauche. C'était la nuit, c'était la journée. Bon, est-ce que vous pouvez nous donner un petit écho du bruit que produisait ce fantôme, s'il y a un fantôme, oui, au moment de sa manifestation, en bougeant le lit? Montrez-nous à peu près si vous pouvez imiter ce bruit. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ça faisait ça. À ce point-là, vraiment. Civil, à côté de l'entendez et derrière. Alors les voisins ont tout entendu. Ah, oui. Alors ça fait exactement 8 jours que ça dure. Enfin, 15 jours que ça dure et ça fait la 8e manifestation, je crois. Oui, c'est ça. Bon, merci madame. Pauvre madame Delbecq. Des coussins qui volent, des matelas qui dansent, ces grosses batailles de polochons, ça aime la déconne chez les fantômes. Cela dit, dans les années 80, madame Delbecq aurait pu avoir recours à des professionnels pour se débarrasser des intrusions intempestives nocturnes de ces esprits malins. Elle pouvait alors allumer la télé et noter avec bonheur le numéro de téléphone de vrais spécialistes. Êtes-vous dérangé par des bruits étranges au milieu de la nuit? Avez-vous jamais eu la chair de poule dans votre cave ou votre grenier? Vous êtes-vous jamais trouvé nez à nez avec un revenant, un spectre, un fantôme? Si la réponse est oui, n'attendez plus. Décrochez votre téléphone et appelez des professionnels. SOS Fantôme! Nos spécialistes sont à votre disposition 24 heures sur 24. Où SOS Fantôme passe, les spectres trépassent. Osez parler, nous sommes prêts à vous croire! Hey! Toujours la une dans les médias, SOS Fantôme est à nouveau sur la brèche. Cette fois, l'opération s'est déroulée dans une disco très in. Des hommes en combinaison grise ont eu raison d'un poltergeist pestilentiel. Puis nos héros ont dansé toute la nuit avec les plus jolies femmes qui étaient sur place. Ici Kazi Kazem et maintenant le Hifara. Certes, SOS Fantôme a fait du bon boulot, mais tu penses bien qu'ils n'ont pas pu choper tous les fantômes. Un fantôme, c'est très difficile à coincer. Il n'a plus vraiment d'identité, il est invisible, il n'a de compte à rendre à personne et... Il n'a pas de frontières. Surtout qu'en général, les fantômes savent bien se planquer. Ces fourbasses choisissent toujours des endroits qui foutent la trouille au fin fond de châteaux sinistres et humides, dans les contrées les plus reculées d'Écosse, par exemple. Attention, monsieur le commissaire, hein? L'escalier est étroit. Il est d'époque. Ah, il est là. Ah, le château est plein de souvenirs émouvants. Depuis les croisades, il s'y est passé tant de choses mystérieuses, romanesques, terrifiantes. Ah, il est là. Et aujourd'hui, toutes ces vieilles pierres nous parlent du passé. Ah. Regardez, regardez! Ah, c'est Murdoch. Murdoch? Sir Murdoch McCrashley, monsieur le commissaire. Qu'est-ce qu'il fabrique en fantôme ? Sir Murdoch McCrashley est mort glorieusement à la troisième croisade sous les murs de Saint-Jean d'Acre. Il se fout de moi, celui-là. Oh non, monsieur le commissaire. Attention, monsieur le commissaire, il y a une marche. Il faut toujours faire attention à la marche dans les châteaux écossais. Même les plus incrédules pourraient se faire surprendre un soir d'orage par Sir Murdoch, chevalier mort aux croisades il y a bien longtemps. Alors, pour enrichir notre enquête sur les fantômes, nous avons joint au téléphone cette semaine un cinéaste de nouvelle vague, auteur des Fantômes du Chapelier en 1982, le malicieux Claude Chabrol. Pour commencer, nous lui avons tout simplement demandé s'il avait déjà croisé un fantôme. Réponse, juste après le jingle. J'ai vu un fantôme, moi. Ah bon ? Dans ma vie, enfin, c'est pas un fantôme. J'ai eu une vision extraordinairement mystérieuse quand j'avais 11 ans. J'étais en Creuse, à Guéret, pendant la guerre, et je regardais l'aventure d'un libraire. Et à ce moment-là, est apparue une personne qui, près de moi, plus petite que moi, donc une espèce de nabot, mais qui avait l'air assez vieux, les cheveux. J'ai l'impression rouquin et hirsute, et qui me dit « Tire-toi, sinon la bande à Kelly agira ». Je n'ai jamais compris ce que ça voulait dire, mais prudemment, je suis parti, j'ai regardé, je n'ai pas revu la tête. Elle a disparu ? Elle a disparu, oui. Alors je suppose que je venais de lire une bande dessinée, et donc je suppose que ça devait être un dessin qui m'apparaissait comme ça. Je crois que les fantômes sont des visions... purement personnel. Je ne crois pas à la réalité des fantômes du tout, bien sûr, je ne suis pas fou. Mais je crois volontiers qu'on puisse avoir des réactions fortes qui peuvent aller jusqu'à la vision. La preuve, là, c'est à 11 ans, j'ai eu une vision. Drôle d'histoire que cette vision du nabo hirsute. Alors, même si vous n'y croyez pas, Claude Chabrol, comment pourriez-vous vous imaginer si vous deviez devenir un fantôme ? Ce qui me plairait beaucoup, ça serait de voir sans être vu, bien entendu, ce qui est un peu la définition du fantôme. Ce qui est intéressant dans un fantôme, c'est pas tellement vous qui le voyez, c'est sa position à lui, qui est de vous voir sans que vous soyez peut-être obligé de le voir, lui. Alors j'aimerais bien être un fantôme invisible, c'est-à-dire de pouvoir me balader dans des endroits sans être vu, du tout. Un château hanté, vous aimeriez hanter un château ? Alors, hanter un château, ça dépend duquel. Le drame avec la plupart des châteaux hantés que j'ai vus, c'est que les châteaux sont peu appétissants. La plupart du temps, j'ai l'impression qu'il y règne une humidité épouvantable. D'ailleurs, je crois qu'il y a un rapport entre le fantôme et l'humidité. Je crois que le fantôme vient dans l'humidité. Ça m'étonnerait qu'il puisse y avoir des fantômes dans des endroits correctement chauffés. Ou bien il faudrait que l'air soit conditionné pour le fantôme. Donc la clim pour les revenants, pourquoi pas. Une dernière chose, Claude Chabrol, d'après vous, si les fantômes existent, quel est leur meilleur moyen de foutre la trouille aux vivants ? Alors je ne crois pas que ce soit avec des bruits de chaîne, je ne crois pas que ce soit avec des ricanements, je me demande si ce n'est pas en les chatouillant. La chatouille est une chose absolument terrible parce que c'est complètement irrésistible. Et chatouiller des gens sans être vu, j'essaie de m'imaginer quelqu'un qui me chatouille sans que je le voie, ça doit être une sensation d'effroi terrible. Alors, comme être fantôme sans faire peur, c'est pas intéressant. Oui, c'est vrai. Je crois que c'est une bonne façon de faire peur. C'était Claude Chabrol pour La panique au Mangin Palace. Sour Times, énorme tube en 1994, interprété par Geoff Barrow et Bess Gibbons au sein du groupe Portishead, du nom de ce petit port sans éclat, situé près de Bristol où parfois la nuit, tu peux entendre le vent hurler dans les drisses des bateaux fantômes. Alors, pour poursuivre ce voyage en compagnie des fantômes, et même si tu doutes de leur existence, il nous faut nous arrêter maintenant sur ceux qui connaissent la célébrité. Oui, car nombreux sont les fantômes qui vivent dans l'anonymat, mais quelques-uns ont tout de même fini par gagner une notoriété toute particulière. Il y a tout d'abord les plus anciens, ceux qui apparaissent régulièrement depuis très longtemps, qui se pointent comme ça au détour d'une grotte, un truc à faire déplacer un pape, comme en juillet 1961 par exemple. Une maison hantée à Plissac sur la route d'Arcachon, là, rien de très extraordinaire, c'est un phénomène qui se produit quelquefois, on en parle en France et ailleurs. Dans la Vienne, maintenant à La Brosse, un petit village, émotion des habitants, émotion et point d'interrogation aussi, une jeune fille de 14 ans, Jacqueline Martin, affirme avoir vu la Vierge. Notre reporter s'est rendu sur les lieux, notre reporter Suzette Jean, et il a pu interroger la fillette. Vous avez donc vu apparaître la Vierge? Et dans quelles circonstances? Où étiez-vous exactement? Devant chez Madame Oupti. Oui, et que faisiez-vous? Je revenais chercher mon lait. Alors vous avez vu soudain devant vous une image? Oui. C'était une image ou une personne vraiment? Une personne. Qui vous paraissait vivante? Oui. Comment était-elle vêtue? Une robe blanche, une ceinture bleue, un voile et une petite couronne. Et comment avez-vous pu supposer que c'était la Sainte Vierge? Je lui ai demandé qui c'était. Et elle vous a répondu? Oui. Que vous a-t-elle dit? Elle m'a dit qu'elle était autour de sa tête. Il s'est écrit « Je suis l'Immaculée Conception » en lettres bien brillantes. Ah, la Vierge. Gros fantôme, la Vierge. Si en plus, elle se pointe avec des néons autour de la tête, c'est la fête. Dans le même registre, il y a aussi un fantôme qu'on n'a pas vraiment revu depuis bien longtemps. Et pourtant, il y a des millions de personnes qui sont persuadées de son existence et qui n'attendent qu'une seule chose, son retour. Quand il reviendra, il fera grand jour. Pour fêter celui qui inventa l'amour. Au fond d'une étape, d'une naquit de Marie, personne n'avait voulu de lui. Jésus revient, Jésus revient. Allez, reviens Jésus. Il est taquin ce Jésus. Tout le monde l'attend et rien. Pas un signe, même pas un petit signe. Hein. Allez, juste une fois pour déconner. Tu te mets un linceul sur la tête et tout le monde y croit. Tu verras. D'autres divinités fantomatiques ont été beaucoup plus explicites. Avant de disparaître du monde des vivants, certains devenus fantômes avaient clairement annoncé la couleur et du coup, il est beaucoup plus facile aujourd'hui de croire à la présence de leur esprit parmi nous. L'an prochain, ce sera mon successeur qui vous exprimera ses vœux. Là où je serai, je l'écouterai. Le cœur plein de reconnaissance pour le peuple français qui m'aura si longtemps confié son destin et plein d'espoir en vous. Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. Je ne sais pas pourquoi, mais on imagine bien le spectre Van Schmitt venir semer sa zone au prochain congrès du Mans dans 15 jours. Par ailleurs, il n'y a pas que dans les montagnes d'Écosse que se logent de célèbres fantômes. Dans les hauteurs afghanes se nichent aussi des spectres étranges, enturbanés et barbus, qui parfois viennent brouiller le bon déroulement de tes programmes télé. Oui, c'est bien moi, Fantomas. Je vais être bientôt le maître du monde. Oui, qui peut dire qu'il a revu ce taré de Ben Laden vivant ces dernières années? Pas grand monde. Et pourtant, qui peut nier ses multiples apparitions spectrales sur les ondes de la chaîne arabe Al Jazeera? Son ombre menaçante, telle Fantomas, plane sur le destin des mégalopoles occidentales. Il n'y a pas que le fantôme Ben Laden qui squatte ta télé. Un autre spectre est réapparu. Autrefois ministre de l'Information, entre 1962 et 1966, l'esprit d'Alain Perfitte rôde désormais plus que jamais sur les chaînes hertziennes et les autres, et je te promets que tout le monde se tient à carreau. À longueur d'antenne, j'agitais mes chaînes sans faire la moindre impression. Maintenant, on me respecte, je suis un vieux spectre bien connu dans la maison. Je suis l'âme en peine qui secoue ses chaînes au studio des Buttes Chaumont. L'on est mon royaume, je suis le fantôme de la télévision. Oui, le fantôme de la télévision hante comme il faut la liberté de ton. Alors, c'est bien joli tout ça, mais où peut-on croiser réellement de véritables fantômes célèbres? Si tu veux tenter l'expérience, la panique au Mangin Palace peut t'offrir ce matin deux adresses parisiennes. La première est en bord de Seine. Bien entendu, il faut y venir la nuit, sympathiser avec le gardien pour s'y faire enfermer, avoir quelques bases en histoire antique et surtout ne pas avoir la frousse. Oui, il y a déjà eu des morts. Un bruit étrange court dans Paris, il y aurait dans le Louvre un fantôme. C'est tout au moins ce que prétend le gardien Gautret qu'il aurait aperçu au cours d'une ronde. Personne n'y croit. Mais le gardien-chef, Sabourel, que l'on découvre assassiné, commence à donner de la consistance à cette nouvelle. Un jeune étudiant, André Bellegarde, fasciné par cette histoire, réussit à se faire enfermer dans le musée. Vers minuit, il voit un enfant se faufiler dans les couloirs et se livrer à une opération mystérieuse sur la statue du dieu barbare, Belphégor. Libre à toi donc de te lancer sur les traces de Belphégor. L'autre adresse ne se trouve pas très loin du Louvre. Si tu ne rencontres pas Belphégor, il te suffira de passer les guichets et de remonter l'avenue face à toi. Fantôme de l'opéra. Signora, est-ce que ça va? Non. Bouquet, mais enfin, qu'est-ce qui se passe là-haut? Pardon, monsieur, mais je vous jure que je n'y suis pour rien. Je n'étais même pas à mon poste. Je ne comprends pas, monsieur, il n'y a personne ici. Ou alors, s'il y a quelqu'un, ça ne peut être qu'un revenant. Un revenant? Il faut rester à son poste, sinon tu ne verras jamais le fantôme de l'opéra. Un monde parallèle existe peut-être bel et bien, où des fantômes, célèbres ou pas, vivent à nos côtés, et où peut-être, tout comme les vampires, ils organisent des balles au cœur de la nuit avec un boulet accroché à la patte. Shake it, baby, shake it, baby, shake it, baby. Il est temps, allez. Approche gère la bise de même si t'es nul. Bouge la patte, appelle tes potes et pas que nous continue. Augmente le level si l'ambiance diminue. Chauffe les qu'il se met tout nu. Fais des zigzags, exagère le ridicule. Bislo est aux agues, j'examine ton style. Pas de navet, quoi qu'il arrive, fais des phases et passes. Les pros, prends ta place, balance la patte. Danseur, amateur ou professionnel, bouge la patte sur la piste. Il est temps, allez. Balance la patte, balance la patte, balance la patte, balance la patte, balance la patte, balance la patte, balance la patte. Au milieu de la piste de danse, que les corps s'entremêlent de façon plus que dingue, toutes les dindes se déhanchent. La règle est aussi bête que cette danse, n'a ni queue ni tête, à toi de trouver toutes sortes de galipettes. This is the balance of Pat, when niggas be breaking it back. Up and got your cardiac, racing like Pat up and Pat. Rapper like Rat at the Tat, from a Uzi automatic. But we ain't bringing no static, no we ain't getting dramatic. We just shaking our body chaotically in the party, making them ladies get naughty. From LA down to Saudi Arabia, we body rocking cause we rock the body. We tick tock and don't stop like it's Lottie Dottie. Danseur, amateur ou professionnel, bouge la patte sur la piste. Montre-moi tout ce que t'as, bébé, toutes tes phases les plus en mêlée. Je veux les voir détaler, fais péter les pas les plus décalés. Balance ta patte avec des mouvements que personne ne puisse égaler. À toi de venir nous régaler. Ici, ton professeur de pack te postera au tapis. Nul ou professionnel, on est parti. Secoue tes coudes au taquet, faut que ta tête pique vers le sol et t'auras fait la chicken dance sans le savoir. Entre dans les cercles, sept tournées sur les fesses, sept tours que cette foule croule sous les fesses. Depuis ton bras, on te le dit, j'ai puis ton bas genou. La pose est exigée pour les fins de combat chez nous. La patte, le Saiyan Supakru dans l'album Hold Up. Si tu veux différencier un fantôme d'un vivant en boîte de nuit, c'est simple. Un vivant peut balancer la patte sur le dance floor, un fantôme, lui, il peut pas, car il a un gros boulet et des chaînes pas pratiques. Alors, pour poursuivre notre exploration des revenants, nous allons retrouver tout de suite nos deux héros bien réels, Monique et Jean-Claude, qui ont vécu l'année dernière un week-end de la Toussaint assez particulier que nous allons te raconter. Il y a un an donc, Monique et Jean-Claude sont partis en province pour rendre une visite à un vieil oncle, Arthur Tombal. Mais aussi pour aller fleurir la tombe de Tante Aglaé, la grand-tante de Monique. Tante Aglaé était une vieille acariâtre et méchante, mais bon, c'est une tradition, à la Toussaint, on fait le tour des cimetières. Jean-Claude, lui, ça ne l'enchante pas tant que ça de partir, car le week-end de la Toussaint est réputé pour être l'un des plus chargés et des plus dangereux. Après avoir passé la journée sur la route, sur la route. Monique et Jean-Claude sont enfin arrivés au cœur du bocage normand. Monique est ravie de se retrouver dans la région de ses ancêtres, là où elle a passé ses vacances de petite fille, dans la ferme de ses grands-parents. Elle n'y était pas revenue depuis des lustres, et vraiment... Avant d'aller chez oncle Arthur, Monique et Jean-Claude se rendent donc sur la tombe de Tante Aglaé. Le cimetière n'est pas grand, mais ils ont du mal à s'y retrouver. Un vieil homme se tient dans un coin, une pelle à la main. Monique s'approche de lui et lui demande s'il sait où se trouve le caveau de sa grand-tante, Madame Aglaé Tombal. Le vieil homme blafard la regarde d'un air vide et lui répond. Dieu sait que je n'ai pas le fond méchant, je ne souhaite jamais la mort des gens. Mais si l'on ne mourait plus, je crèverais de faim sur mon talus. Je suis un pauvre fossoyeur. Monique comprend alors que l'homme est un peu sourd et lui repose la question. Monsieur, où se trouve le caveau d'Aglaé Tombal, s'il vous plaît? Le vieil homme la regarde fixement. Un rictus se dessine alors sur son visage. Les mains du fossoyeur serrent plus fortement la pelle et le vieux s'énerve. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Y'a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue. Se faire un trou, un petit trou, un dernier petit trou. Un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou. Et on me mettra dans un grand trou, et je n'entendrai plus parler de trous. Je chope des trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous. Monique se dit qu'en plus d'être sourd, le vieux est con et qu'elle ne pourra rien en tirer. Elle décide de se fier à son instinct pour retrouver la tombe. Au bout d'un quart d'heure de recherche, Monique trouve une stèle qu'elle reconnaît, c'est celle de Tante Aglaé. Monique dépose un petit chrysanthème. Jean-Claude se recueille intensément, les mains jointes, puis pose délicatement une pastille Vichy à côté du crucifix. Je vous ai apporté des bonbons, parce que les fleurs, c'est périssable. Monique et Jean-Claude constatent qu'ils ont bien fait de venir. Le caveau est couvert de mousse. Il va falloir frotter dur pour le remettre en état. Nous sommes le 1er novembre. Une pluie fine arrose le cimetière et Monique se met au travail. Nettoyer, balayer, astiquer, gaz là toujours pépant. La pluie tombe de plus en plus fort. Jean-Claude en a ras la casquette de s'échiner sur la tombe d'une vieille qu'il n'a jamais vue. Et puis, il est trempé, il y en a marre. En plus, ce vieux con de fossoyeur les regarde fixement au lieu de venir les aider. Monique admet qu'ils ne sont pas assez équipés. Faudrait des bottes de caoutchouc pour patauger dans la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Au bout d'une heure de travail, la mousse est partie quand Monique et Jean-Claude se rendent compte que le nom qui apparaît sur la pierre n'est pas celui d'Aglaé Tombal. Et merde, Monique s'est plantée d'endroit. Le fossoyeur les fixe avec un sourire en coin. Monique et Jean-Claude décident de ne pas continuer à se ridiculiser et quittent Fissa le cimetière. Après une demi-heure de voiture, Jean-Claude et Monique arrivent chez le vieil oncle Arthur. La nuit tombe et le vieil homme est heureux de les voir débarquer en Normandie. Jean-Claude est plutôt content car il sait qu'il va avoir droit à sa rasade de calva. Mais à peine arrivés, Monique et Jean-Claude se rendent compte qu'oncle Arthur n'est pas en forme. Monique lui demande d'expliquer la cause de ses soucis. J'habite une maison hantée, de la cave jusqu'au grenier. Je ne suis plus maître de rien, parfois jusqu'au petit matin, l'orage gronde. J'habite une maison hantée, mais je n'aimerais en changer pour rien au monde. Jean-Claude met ça sur le compte de l'âge et du calva, ça l'amuse plutôt. Ensuite, oncle Arthur leur sert une soupe bien chaude, des tripes à la mode de Caen et un coup de calva. Il est tard, tout le monde va se coucher. La maison est endormie depuis une bonne heure, quand soudain, à minuit pile, juste après que l'horloge du salon ait sonné, que la chouette ait ululé et qu'un nuage hostile soit passé devant la pleine lune, une voix venue de nulle part résonne dans la maison. Arthur, où t'as mis le corps quand c'était créé un cœur? Ben, je sais plus où je l'ai foutu, le mec. Arthur réfléchit, non de là, ça a une certaine importance. Ce que c'est qu'il est mort. Ça, les gars, je vous le garantis. Mais bon sang, c'est trop fort. Je me rappelle pas où que je l'ai mis. Monique se réveille en sursaut. Elle secoue Jean-Claude, qui dort, comme un qu'aurait eu du rap de Calva. Jean-Claude ne se réveille pas, alors elle insiste, Monique. Elle insiste. Jean-Claude, lui, il s'en contrefou des voix et des bruits. Lui, il veut dormir, il ne veut surtout pas qu'on l'emmerde. Merde, merde, merde, y'a que des emmerdes. Brouille, brouille, brouille, y'a que des embrouilles. Y'a plus rien que des gnagnas, qu'est-ce qu'ils ont contre moi? Les bruits cessent face au grognement de Jean-Claude. Le lendemain, au petit déjeuner, le vieil Arthur Tombal prépare un café arrosé pour tout le monde. Jean-Claude a bien dormi. Monique, elle, est encore tout effrayée de ce qu'elle a entendu cette nuit. Jean-Claude a beau lui dire que c'est le fruit de son imagination, que le vieux parquet, ça craque. Monique, elle, n'en démord pas, elle a entendu des fantômes. C'est une histoire extraordinaire, cette nuit qui nous est arrivée. De la cave au grenier, nous avons rencontré des fantômes qu'on ne peut oublier. Quand on s'aime, quand Monique veut en savoir plus. Elle interroge l'oncle Arthur. Mais qui sont ces fantômes? Que veulent-ils? Alors, Arthur Tombal explique calmement que ces fantômes qui le hantent sont apparus il y a 2 mois à peine. 2 mois, c'est-à-dire depuis la mort de son propre frère, Pierre, qui était le fossoyeur du village et qui depuis n'a jamais été remplacé. Forever Lost par The Magic Numbers, parce que quand ils n'ont pas l'âme en paix, certains morts restent parmi nous et sont perdus à jamais. Ils errent sur la terre, tout comme les vaisseaux fantômes hantent les mers. Nous voici donc arrivés au terme de notre voyage dans l'univers inquiétant des esprits, alors que le 1er novembre et la fête des morts sont tout proches. Des suaires aux chrysanthèmes, de la Toussaint à Belphégor, de Claude Chabrol à Pierre Tombal, nous t'avons dressé un panorama des esprits qui hantent tes nuits. Alors, qu'est-ce que c'est la Toussaint aujourd'hui ? Eh bien, la Toussaint, c'est avant tout un jour férié qui correspond à une fête chrétienne. C'est également le moment de l'année où de nombreux Français vont dans les cimetières fleurir des tombes, souvent oubliées le reste de l'année. La Toussaint, c'est surtout l'occasion de se retrouver en famille et de faire un bon petit repas. La Toussaint est suivie de la fête des morts. La mort, qui fut longtemps naturelle et apprivoisée, semble aujourd'hui plus lointaine. Notre société refuse la mort, elle plante les malades et les agonisants dans des hôpitaux aseptisés. Mais là réside le paradoxe de notre monde. Aujourd'hui, plus que jamais, il est possible de voir des personnes se faire massacrer ou de mater les cadavres aux infos ou dans la fiction. Combien un paysan du 19e siècle avait-il vu de vrais cadavres dans son village et combien de milliers de morts avons-nous pu voir au cinéma ou à la télé ? La mort est donc plus proche de nous au quotidien par les actualités. Mais le filtre de l'écran télé et la masse des informations qui nous parviennent la rendent finalement encore plus lointaine. Oui, les choses changent. Jadis, les parents des morts vous mettaient dans le bain. De bonne grâce, ils en faisaient profiter les copains. Il y a un mort à la maison si le cœur vous en dit. Venez le pleurer avec nous sur le coup de midi. Mais les vivants aujourd'hui ne sont plus si généreux. Quand ils possèdent un mort, ils le gardent pour eux. C'est la raison pour laquelle, depuis quelques années, des tas d'enterrements vous passent sous le nez. Des tas d'enterrements vous passent sous le nez. Mais où sont les funérailles d'antan? Les petits corbillards, corbillards, corbillards, corbillards de nos grands-pères qui suivaient la route en cahotant.